La déesse m'emporte au fond de l'océan. Des sentiments coulent autour de mon néant. Tristesse, joie, protection. Serait-ce la quête d'un sens à la vie? Comme sous le regard d'un gamin de 8 ans, il existe toujours de la magie. perce les